Selon une source d'information sud-coréenne, l'hôpital de l'université de Chunnam en Corée du Sud a rendu public le 1er mai le recueil des témoignages de son personnel, l'hôpital de campagne de 10 jours lors du soulèvement du 18 mai, qui révèle une partie des brutalités de l'armée sud-coréenne lors du soulèvement populaire de Gwangju. Il est écrit notamment « Depuis 3 heures de l'aube, l'armée en état d'alerte a tiré au hasard sur l'hôpital. Les vitres des salles d'opération et d'hospitalisation ont été parties en éclats et les murs détruits. Les soldats qui se sont précipités à l'intérieur ont fouillé de force toutes les salles.